dites quand vous voulez y aller. Non, petit. Voilà, je vous préviens tout de suite, c'était le moment le plus sympa de la vidéo, puisque ensuite ils partent sur une reprise du groupe Trio. Une reprise qu'on n'avait pas demandé. Si tu es né dans une cité HLM, c'est un la cité que tu aimes, en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'air. On dirait une chorale d'enfants de 10 ans que t'as réveillé à 7h du mat pour chanter, tu sais. Ou bourré. On est là, on a très envie d'être là. Alors visiblement, ils ont pris le cannabis de Trio plutôt que le talent, mais... pour Bertie, je pense, attention, couplet. C'était pas Bercy à Paris, hein, c'était Bercy sur Saône, hein, qui est une petite. Vous l'attendez le refrain, vous l'attendez.